Et c'est bon. Alors, bien. Corinne, à toi la parole. J'ai plus le temps d'introduire ta présentation, donc très bien. Je te laisse la parole moi-même. Au risque de te décevoir, je crois que tu avais annoncé sans précaution que je ferais un bilan de mes activités, on peut appeler ça comme ça. Dans les Digital Humanities, bien évidemment, il ne sera pas question de ça. Peut-être que je peux évoquer toutefois l'origine de mes préoccupations et de mon travail. Pour vous dire, ne vous inquiétez pas, je ne vais pas remonter tout le fil, mais pour essayer de montrer que cette petite facette sur laquelle je vous invite à vous pencher aujourd'hui, finalement un rapport avec une question qui me taraude, on peut dire les choses comme ça, depuis que j'ai été adoptée, si on peut dire, par l'UFR d'histoire de l'art à Paris 1, et qui se nichait dans l'énoncé même de mon poste, à savoir un intitulé apparemment inoffensif et limpide tel que informatique et histoire de l'art. Et j'avoue que j'ai passé finalement tout ce temps depuis à essayer de donner sens à cet énoncé. Alors je ne refais pas toute la trajectoire, bien évidemment. Ça m'a conduit, ou plutôt fort heureusement, j'ai rencontré ce qu'on appelle globalement les Digital Humanities, et ça m'a aidé, bien évidemment. Mais dernièrement, mes préoccupations se sont concentrées sur une nouvelle formulation, apparemment secondaire, de cette première question, de ce premier énoncé, c'est-à-dire... Comment se fait-il que l'histoire de l'art, les historiens de l'art, se montrent aussi réservés, timides, indifférents, défiants, voire hostiles, en France en tout cas, à se tourner vers les Digital Humanities, et plus précisément vers ce qu'on pourrait appeler une Digital Art History. J'ai du mal, je l'avoue, à le dire en français, une histoire de l'art numérique, vu le peu de résonance que ce type de terminologie pourrait avoir. Donc... Tout simplement. Ça avance. Ce constat, bien sûr, il est particulièrement marqué en France, mais c'est un constat partagé. Ah non, c'est là, pardon. Ah ben, ça marche pas non plus. Ah ben non, là il s'agit d'appuyer sur la flèche. Voilà. Mais elle est où la flèche? En fait, t'appuies sur la flèche droite. Oui, mais ça n'a rien donné. Enfin bon, c'est pas... Oui, donc, ce constat d'un certain retrait donc, de l'histoire de l'art par rapport au Digital Humanities, il est en fait partagé international. Au point que dernièrement, donc en mai 2012, la CRES Foundation a publié les résultats d'une étude qu'ils ont engagée, c'est hautement significatif, avec le CHNM. Je n'ai pas le temps de déplier tous les acronymes. Si vous avez des questions, on verra ça ensuite. Pour prendre, on pourrait dire, sur la base de ce constat d'une faible participation de l'histoire de l'art au Digital Humanities, pour, si on ose dire, prendre le taureau par les cornes et inciter les centres de Digital Humanities à redoubler d'efforts pour inciter les principaux centres d'histoire de l'art qui se montrent toujours aussi rétifs à l'endroit du numérique. Donc, pour répondre à cette question que j'ai évoquée, j'ai émis l'hypothèse qu'il y avait peut-être des raisons profondes qui pouvaient rendre compte de cette singularité de l'histoire de l'art, et je me suis dit qu'il était peut-être intéressant de se pencher sur le passé de cette discipline, plus particulièrement d'examiner l'historiographie de l'histoire de l'art pour voir comment ces questions de la technologie aux divers âges, on pourrait dire, de la discipline ont été ou pas abordées. Donc, j'ai fait ce petit travail de débroussaillage historiographique et je vais vous présenter quelques éléments de ce que j'ai retiré de cette enquête pour ensuite aborder plus largement ce que on pourrait dire du rapport de l'histoire de l'art à la technologie, plus particulièrement technologie numérique, et surtout comment ce type de démarche pourrait avoir un intérêt plus généralement pour les digital humanities. Alors, l'histoire de l'art, c'est une discipline bien singulière et je prends le risque de vous proposer une définition très très compactée, c'est effectivement risqué, pour essayer de situer les particularités de cette discipline dans la mesure où, telle que on pourrait les définir de cette façon, je pense que vous voyez d'emblée l'importance que revêt la question de la représentation des œuvres et de la représentation, j'insiste, et de leur reproduction, ce qui va faire effectivement l'objet principal de notre proposition. Donc, je m'en suis tenue à peu près à partir du tournant photographique, c'est-à-dire ce régime technique de l'image qu'on est en train de quitter pour le numérique, pour aborder cette enquête historiographique. Cette enquête historiographique m'a amené à scinder, disons, le corpus en deux moments principaux. Un premier moment à partir d'un corpus assez réduit finalement, hein, et on a là les articles et ouvrages principaux de cette première période, période donc à partir de 75 jusqu'à 95, qui résonne bien évidemment avec les premières perspectives de numérisation de l'image avec le support du vidéodisque. Et l'on voit qu'il y a quelques historiens de l'art, des Allemands essentiellement, et des Britanniques qui vont essayer de d'élucider la façon dont l'histoire de l'art a effectué ce passage technique qui s'étale sur la deuxième partie du 19e siècle. Mais vous savez qu'en histoire, et là en l'occurrence c'est vrai également, la fin du 19e siècle s'achève avant la Première Guerre mondiale. En tout cas, tout au long donc du 19e siècle, on a, grâce à ces quelques travaux, une série de sources, bien sûr, des écrits, des correspondances, des déclarations d'historiens de l'art ou de, disons, de personnes impliquées dans les différentes facettes du monde de l'art. On a aussi un survol, j'insiste sur le terme, un survol de tout ce qui manifeste cette période, disons, de mise au point, on pourrait dire, encore que je ne veuille pas donner un cours trop, trop téléologique à cette idée. Toujours est-il que toutes sortes de techniques, d'objets, de matériel, de supports d'inscription, de mise en forme aussi, d'édition, marquent cette deuxième partie du XIXe siècle et font que peu à peu on assiste à une émulation très très très vive pour arriver à ce qu'on appelle souvent dans l'histoire de la photographie à la stabilisation, mais là encore je trouve que c'est un petit peu téléologique, à la stabilisation des procédés techniques de la photographie. Ce qu'on apprend aussi grâce à ce petit corpus, et qui est très très précieux, c'est qu'on voit apparaître, on a de quoi voir apparaître plus précisément la mise en place de collections d'images importantes, grâce donc à la photographie, et ceci donne naissance à des sociétés commerciales, des agences, on pourrait dire, avec notre vocabulaire d'aujourd'hui, qui ont des débouchés très divers, bien évidemment, notamment avec le développement d'un tourisme artistique qui correspond à l'extension des publics de l'art de cette époque, avec les salons, etc., tout ce qu'on connaît bien. On a également des éléments qui nous permettent de situer la constitution de photothèques, aussi bien dans des universités que par ce qu'on appelle des connoisseurs, des experts, on dirait, dans notre vocable d'aujourd'hui, dont les plus connus sont Morelli, Berenson, par exemple. On a bien évidemment aussi toutes sortes de témoignages et de discussions aussi sur la façon dont les protagonistes connus de l'histoire de l'art, les grandes figures, disons, ont abordé ce tournant photographique et se sont appropriés ces nouveaux moyens d'essai. Alors, ça nous permet notamment de sortir de l'ancienne que l'on répète, qui est reprise, disons, le plus communément, pour autant que certains s'intéressent à ces sujets et qui nous parlent effectivement de la façon dont Wölfflin a abordé la photographie avec ses célèbres articles sur comment photographier la sculpture. On a effectivement accès à des réactions, à des déclarations, au comportement aussi qui peut être changeant de toutes ces grandes figures de l'histoire de l'art. Par exemple, on voit beaucoup mieux comment John Ruskin, qui est une figure de référence, donc, est d'abord très enthousiaste dès 1840. Il emmène un opérateur avec une chambre noire à Venise et puis en fait, en 1870, il va décréter qu'au regard de la gravure et du dessin, la photographie est purement et simplement un poison. Il y a des tas de propos, d'anecdotes qui sont tout à fait passionnants, on n'a pas le temps, bien évidemment. Donc, ce qu'il ressort de tous ces témoignages écrits ou oraux et rapportés de l'appropriation, disons, du process d'appropriation, y compris à travers les rejets par ces grands maîtres de la discipline, que la grande thématique, bien évidemment, on n'est pas surpris, c'est la problématique des mérites comparés des gravures, des dessins et de la photographie. C'est une thématique très riche, en fait, qu'on a tenu enfermée de façon un petit peu datée, mais dont on peut penser qu'elle est qu'elle aide à penser peut-être encore aujourd'hui, on le verra plus tard. Donc cette thématique des mérites comparés, elle va s'exprimer, se formuler à travers une série, à travers un lexique finalement, pour aller plus vite, où se jouent des termes comme la fidélité et l'authenticité, qui sont déjà un petit peu, c'est déjà un petit peu différent. Fidélité ou authenticité à l'aune desquelles on va juger du pouvoir, de la capacité d'interprétation ou de rendu objectif, hein, ce sont les deux termes aussi de la balance, de la gravure, du dessin et de la photographie. Autre thème important aussi qui ressort de ce moment historiographique, c'est la façon dont certains de ces historiens de l'art se soucient et discutent de l'impact du format de l'image, notamment de l'image projetée ou de l'image imprimée, par rapport toujours à cette question des mérites comparés entre gravure et photographie, puisque la question de la distorsion du rendu des œuvres se pose, semble-t-il, de façon nouvelle, alors qu'elle n'apparaissait pas en tant que telle pour caractériser la façon dont la gravure, par exemple, représentait les œuvres d'art. Il y a aussi dans cette, je fais juste un tout petit point avant d'aborder le point principal, il y a aussi dans cette bibliographie des choses qui sont relatées, qui sont tout à fait intéressantes, surtout sur les situations d'usage. Ce qui a été le mieux exploré, c'est ce qui a donné lieu à l'impression éditée. Or, on a des informations tout à fait intéressantes sur la façon dont la projection lumineuse de photographie va faire que les conférences sur les chefs-d'œuvre de l'art vont pouvoir se frayer une place auprès de conférences scientifiques, disons, des sciences portant sur les sciences de la nature ou encore sur les techniques qui font l'objet d'un véritable engouement en Angleterre notamment. Donc grâce à la projection lumineuse, les conférences sur les chefs-d'œuvre de l'art vont aussi réussir à s'imposer alors que ça n'était pas le cas auparavant. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on voit que dans ces conférences sur l'art, avant qu'on puisse utiliser la projection lumineuse de photographie, on essayait bien, on se posait bien le problème de lier le discours, la présentation, le discours sur les œuvres à quelque chose qui puisse être aussi vu par le public. Et donc, on commençait à trouver des dispositifs pour accrocher sur les murs de ces lieux de communication publique toutes sortes de reproductions gravées, la plupart du temps, que le public pouvait bien évidemment consulter après les conférences. Mais la projection lumineuse photographique va intervenir pour bien évidemment changer le rapport entre le discours et la visualisation, c'est-à-dire introduire une simultanéité qui ne pouvait être atteinte auparavant. Et ça va être ce même ordre de questions qui va faire le succès ou l'importance de la photographie pour accompagner l'institutionnalisation universitaire de la discipline. Alors c'est un point bien évidemment que j'ai choisi. Je vais essayer de... J'ai perdu tous mes objets de technologie, donc je n'ai plus de repères temporels. Moi non plus. Donc on est tombé dans une faille temporelle. On va voir combien de temps on va tenir. Donc, entre tous les points que peuvent nous apporter ce premier moment historiographique, ce que j'ai choisi en tout cas de mettre en exergue, ce qui me semble être un thème majeur car il a des implications épistémologiques évidentes, c'est la façon dont la photographie a accompagné. Je vais même pas la regarder, merci beaucoup. a accompagné l'installation, l'institutionnalisation académique de la discipline, puisque vous l'avez peut-être entrevu tout à l'heure dans ces quelques phrases que je vous ai présentées comme définissant cette discipline, elle a pour particularité qu'effectivement un long temps d'élaboration savante a précédé l'existence, la reconnaissance universitaire de cette discipline. Alors, j'ai mis en exergue trois types d'informations là-dessus ou de réflexions. D'abord, quelques éléments factuels sur lesquels on va passer très rapidement. C'est qu'il m'a semblé que 1873 était une date qui nous parlait beaucoup de ce point de vue-là. D'abord, elle marque l'avance, on pourrait dire des choses comme ça, bien que je n'aime pas parler de retard, mais de l'institutionnalisation de la discipline dans le monde germanique. Dès 1873, effectivement, il y a la création d'un certain nombre de chaires très importantes et on voit en rapport qu'il faudra attendre 1893 en France, par exemple, pour que la première chaire d'histoire de l'art à la Sorbonne soit établie. Mais 1873, c'est également la date du premier congrès international d'histoire de l'art qui se tient à Vienne, si mes souvenirs sont exacts, qui est relativement international, disons, à l'époque, et en tout cas où il y a un rapport qui est présenté par Bruno Meyer, qui fait partie de ces grandes figures très engagées dans l'exploitation du nouveau média photographique dans la discipline. Donc un rapport qui préconise de façon très précise que l'installation de ces chaires d'histoire de l'art soit systématiquement ou donne lieu plus exactement à la mise en place d'un équipement technique et surtout à la constitution de photothèques importantes puis de diapothèques. Donc ça c'est la dimension factuelle. Il y a une autre dimension bien évidemment très importante, c'est la façon dont se fait la relation entre le photographique et le scientifique. Alors d'abord, dans un premier temps, il faut prendre en considération le contexte, le contexte épistémologique dans lequel l'histoire de l'art se trouve à faire quelque chose qui est de l'ordre d'un forçage pour être reconnu comme discipline d'érudition scientifique, alors que elle est marquée essentiellement par le fait d'être du côté de l'esthétique, voire de la théorie de l'art, et que dans l'université allemande, en l'occurrence à l'époque, règne sans partage la philologie et l'histoire. Donc il y a là une opération qui n'est pas évidente, et c'est bien évidemment là qu'entre en jeu la nécessité de prendre des appuis méthodologiques pour que cette reconnaissance disciplinaire puisse se faire. la photographie donc intervient à cet endroit-là, si je peux dire, puisque elle va permettre mettre en forme, on peut dire, une méthodologie qui prend appui sur la démonstration par analogie aux méthodes des sciences dites exactes. Et on voit comment les précurseurs, précisément, mettent en avant cette démarche, cette méthode qui les place à une place comparable à celle des sciences de la nature, puisque selon Hermann Grimm, qui est le premier occupant de la chaire de l'Université de Berlin, déclare que la photographie est à même de révéler les secrets de la nature, ce qui résonne bien évidemment avec les déclarations d'Arago devant la Chambre des députés en 1839. On a ce même espoir scientiste, on peut dire aussi, dans les effets de la photographie. Bien évidemment, en termes mythologiques, c'est la relation aussi entre le montrer parler, montrer commenter, montrer interpréter, qui donne subitement le socle sur le scientifique sur lequel va pouvoir s'appuyer la photographie. Alors, on a aussi une autre façon d'aborder les questions épistémologiques grâce à ce corpus que j'ai évoqué, c'est de réfléchir, je parle du corpus de 70, des années 80, hein, c'est d'essayer de réfléchir des liens entre ces méthodes et certaines théories de l'art. Et parmi la seule, à ma connaissance, idée qui allègue un lien direct de ce point de vue-là, c'est celle-ci par Heinrich Dilly, à savoir que la façon, disons, dont, notamment dans les principes fondamentaux de l'histoire de l'art, Heinrich Böllfin propose son système, disons, de compréhension formaliste des œuvres-là d'art par cette alternance entre, j'allais dire, les pulsions classiques, les pulsions, baroques des périodes artistiques. Dilly, donc, met vision de l'histoire de l'art directement en corrélation avec la double projection, puisque on a parlé de la projection, du rôle de la projection dans l'institutionnalisation de la discipline, mais très vite, c'est la double projection précisément qui se met en place, qui est d'ailleurs attribuée souvent uniquement à Böllfin. Ceci dit, on apprend, j'ai appris en tout cas, qu'il n'est pas l'unique inventeur de cette manière de voir et de comparer les images, mais que Bruno Mayer aussi, en même temps, l'a initié. Bref, en tout cas, là, comme vous le voyez, la projection, la double projection, serait finalement une clé pour comprendre la théorie de l'art selon Heinrich Böllfin. Alors, ce type de mise en relation est tout à fait intéressante. Elle a été reprise souvent. Ceci dit, on peut s'interroger sur la dimension, disons, très déterministe, directement mécaniste de ce type de proposition. D'autant que Böllfin, d'après ses écrits, tempère finalement, ou du moins déclare des choses qui permettent de tempérer ce type d'assertion, dans la mesure où, par exemple, il dit qu'il n'aime pas, pour ce qui est des ouvrages imprimés, il ne fait pas confiance visiblement à l'illustration, aux images, à la présence trop importante d'images dans les ouvrages de l'art, les ouvrages d'histoire de l'art, pardon, excusez-moi, puisque précisément, même en utilisant la comparaison justement de deux images, l'imprimé les fige. Alors que dans le cadre du cours, au cours de la projection, même si on propose un système qui repose donc sur une projection duelle, on peut toujours non seulement l'accompagner de discours qui déconstruisent ou cette dualité, et bien évidemment faire des allers-retours qui donnent une plus grande liberté et n'enferment pas donc la pensée dans cette double image qui serait synonyme d'une théorie forcément qui fonctionne sur un régime donc de dualité. Donc ces questions, c'est tentant bien évidemment d'essayer de voir dans quelle mesure la représentation, la mise en forme des images peut nous éclairer sur des questions de ce type, sur des fonctionnements d'élaboration théorique de ce type. Mais ces questions de rapport épistémologique entre la photographie et l'histoire de l'art, je me les suis posées en essayant de voir avec une plus grande profondeur de champ dans l'histoire, justement, puisque ce qui m'a semblé intéressant d'interroger, c'est quelque chose d'un petit peu plus paradoxal et d'un autre ordre, à savoir cette importance prise par l'image dans la construction, l'élaboration donc, et la reconnaissance scientifique de la discipline. Puisque, finalement, à y regarder d'un peu plus près, on voit bien que tout au long de l'élaboration des discours savants de l'histoire de l'art, c'est non seulement l'écrit, le discours écrit, le texte et même le discours parlé qui sont dominants, au point que toute l'histoire de la description de l'œuvre d'art, de l'interprétation de l'œuvre d'art, à travers les âges, était l'objet de codifications très précises. Donc, bien évidemment, ici, pas le temps du tout de rentrer dans cette histoire passionnante de la description, mais c'est un élément qui domine au regard de l'image, hein, de toute évidence. Alors, donc je disais que si on prend un peu de recul par rapport au tournant photographique, donc vous voyez ce qui atteste ce que je viens de dire aussi, c'est que en 1948, on a ce type de déclaration encore d'un historien de l'art. Non, l'étude des images est chose légère comparée à l'étude des livres. Donc on est effectivement dans ce paradoxe très longtemps, peut-être même aujourd'hui encore, quand on regarde la production de l'histoire de l'art. Mais si on creuse un peu plus avant, je ferai juste une allusion à cette période antérieure. Je vous renvoie à ce que j'ai déjà un petit peu indiqué dans quelques articles à ce sujet, à savoir que cette question d'une histoire de l'art par l'image fait l'objet, et depuis quelque temps, grâce à une exposition et à un catalogue tout à fait passionnant qui a été mené par Elisabeth Desculteaux, cette question précisément de l'histoire de l'art par l'image et travailler à travers la production de ce qu'on a appelé les antiquaires du XVIe au XVIIIe siècle, ces grands recueils, livres d'images. Et Des Cultos propose à travers ce travail, aidé par d'autres chercheurs bien sûr, que finalement la doxa qui reste encore pleine d'effets, hein, selon laquelle Winckelmann, avec l'histoire de l'art par les anciens en 1764, est véritablement le texte initiateur d'une histoire de l'art moderne, texte en l'occurrence pas illustré, hein, et la deuxième édition posthume de ce texte, lui, sera illustré. Ce que Des Cultos nous montre, c'est que précisément ce texte qui est là pour marquer une rupture et en même temps une continuité d'une certaine façon par rapport à une tradition écrite, hein, de l'histoire de l'art, je ne vais pas remonter Vasari, etc., hein, on n'a pas le temps, comme je le disais, elle montre précisément que le travail de Winckelmann n'est pas en rupture avec cette période qui serait une période donc pré-scientifique et qui repose précisément avant tout sur l'étude des images, mais les antiquaires sont plutôt rattachés finalement à l'archéologie, à la généalogie, on pourrait dire, des archéologues plutôt que des historiens de l'art. Donc il n'y a pas, ce que je veux dire le plus rapidement possible à travers cela, c'est qu'il y a, je vais peut-être parler de schizophrénie dans ces lieux, mais en tout cas, il y a une question pour le moins paradoxale du rapport à l'écrit et du rapport à l'image qui, avec le 19e siècle et la photographie, devient la marque de la scientificité de cette discipline, mais en même temps, cette discipline a un passé, un présent encore, on le verra avec le numérique, qui fait que le rapport à l'image n'est pas si intégré, n'est pas si évident que cela. Alors, pour conclure cette première phase, cette première période, ce premier moment historiographique que... on en est où, là ? Il est 14h. Oui, il est 14h, donc je vais... Mais non, pas en même enfin, temps. Enfin, non, un peu moins, parce que ça serait bien qu'on discute un peu, ce serait bien. Oui, mais c'est intéressant, donc... Bah, c'est gentil, oui. Bon, on va essayer de continuer. On peut savoir la suite. La suite. Ben oui, et alors, justement, saison 2. Donc avant, justement, la saison 2 historiographique, il faut conclure, d'une certaine façon, ce premier moment. Et je suis en accord avec les articles très passionnants qui sont plus sur l'écran, mais qui étaient sur le premier écran avant, de Anthony Hamber, qui apporte énormément de connaissances. Je vous incite à lire ces articles passionnants, mais aussi il ne ménage pas sa critique, son regard critique, c'est-à-dire qu'il met le doigt sur les manques, hein. C'est-à-dire que moi j'ai souligné comment ces quelques textes et comment les sources même dans cette seconde moitié du 19e siècle nous donnent beaucoup d'éléments pour penser le rapport entre la photographie et les historiens de l'art. En même temps, Hamber met le doigt donc sur ce qui n'est pas dit, sur les manques. Il note, par exemple, le peu d'intérêt manifesté finalement par les historiens de l'art pour la technique. Même la technicité, hein, sous tous ces aspects de ces images issues du procédé photographique, le procédé photographique lui-même et son évolution. Il note aussi qu'il y a peu d'intérêt, peu de curiosité, on pourrait parler de négligence dans ce cas précis, sur l'origine même, les référents, comme on pourrait dire, des images qui sont produites par la photographie et qui peuvent être soit projetées, soit imprimées. C'est-à-dire qu'on ne se soucie pas de documenter, comme on pourrait dire aujourd'hui, ces images, de savoir quelles sont leurs sources. Est-ce que ces images ont été prises sur des gravures, sur d'autres photographies? Ça n'est jamais précisé et visiblement, on ne s'y attarde pas. Ça n'est pas intéressant. C'est un point aveugle, semble-t-il. Ça n'a pas d'importance. Il note enfin, j'ai pris les éléments qui me semblaient les plus importants, à l'époque où il écrit, c'est-à-dire début des années 1990, Anthony Hamber, il y a plusieurs ouvrages marquants de critique de l'histoire de l'art, ou du moins d'interrogation sur les fondements de la discipline. Et parmi ses ouvrages les plus importants, ce qui le frappe beaucoup, c'est qu'il n'y a aucune inclusion. On ne parle absolument pas toutes ces questions du rôle de la technologie, des supports matériels même d'études cette discipline. Alors, il y a effectivement dans l'historiographie, je vais y passer très vite, c'est peut-être un des ouvrages les mieux connus, en revanche, un ouvrage dont vous voyez la référence ici, qui est un peu un ovni dans toute l'historiographie connue, puisque l'ouvrage d'Ivins essaye de suivre véritablement dans le détail, en termes de filière, je dirais, d'évolution de la filière de la gravure jusqu'à la photographie, en mettant en relation chaque évolution, aussi bien de la technique d'inscription, l'évolution des presses, l'évolution des papiers, même. Donc là, on a une véritable entreprise d'approfondissement la mise en relation donc des procédés techniques, de leur évolution et donc de l'évolution aussi de la place prise par le graveur, mais aussi de type de production qui en émane jusqu'à la photographie, bien évidemment, envisagée dans ces termes techniques aussi par Ivins. On peut reprocher une certaine tonalité, ou plutôt un fil téléologique, de la gravure jusqu'à la photographie, progrès absolu, disons. En tout cas, cet ouvrage se distingue de tous les autres, a été salué par McLuhan lors de sa publication. Je signalerai aussi, pour qu'on ne m'accuse pas de ne pas mentionner le rôle des Français dans ce type d'historiographie. Donc on voit les dates, ils font partie de ce premier corpus, malgré les dates, de ce premier corpus historiographique que j'ai présenté, malgré les dates, parce qu'il y a un temps de retard, on a eu une thèse de l'Interien, où un petit chapitre nous renseigne sur la façon dont les historiens de l'art en France se sont appropriés les médias photographiques. Et chose notable, en 2011, dans sa séance de clôture de son cours au Collège de France, Roland Reicht a fait une conférence qui portait essentiellement sur le rappel de l'importance de la photographie dans l'institutionnalisation universitaire de la discipline. Second moment historiographique, on va essayer d'aller très vite. Là, il y a un développement beaucoup plus important. Donc à partir des années 95 et jusqu'à nos jours, on est bien évidemment à un moment où la numérisation de l'image forme déjà le contexte de ces écrits. Alors, j'ai choisi simplement trois éléments. D'abord, parmi le développement important des études sur les images issues, les images imprimées la plupart du temps, mais aussi beaucoup de collections, d'études de sociétés comme la société Goupil en France. Bref, il y a un grand développement en France d'études sur ces aspects-là, du développement de la photographie d'art, imprimée surtout, au 19e siècle. C'est bien évidemment lié aussi à la consolidation l'histoire de la photographie dans l'histoire de l'art, ou du moins aux côtés de l'histoire de l'art. Parmi tous ces développements, il y a un chercheur qui, me semble-t-il, a apporté beaucoup de choses, et notamment en nous permettant de donner une dimension différente à ce qu'on a évoqué tout à l'heure, à savoir la grande thématique des mérites comparés entre les productions des graveurs et des photographes dans la seconde moitié du 19e siècle. En effet, les travaux de Renier nous permettent d'approcher la dimension, on pourrait dire, corporative et corporatiste même, du conflit qui va opposer très sévèrement les graveurs, lithographes et photographes à partir des années 1850, disons, c'est dans ces années-là, c'est l'acmé de ce débat qui passe par des pétitions, etc. Alors, ce qui est intéressant, bien évidemment, en apportant cette nouvelle dimension, c'est que l'on retrouve de façon tout à fait transverse les mêmes arguments du débat que ceux que l'on a évoqués précédemment et qui touchent aussi le rapport des artistes à la photographie, à savoir toute cette confrontation entre des notions de l'authenticité, comment on rend l'âme d'une œuvre, finalement, d'un artiste, donc forcément, et le rendu prétendument objectif de la photographie. Et bien évidemment, les enjeux, c'est aussi le déclin d'une gravure, notamment d'une gravure au burin qui s'exécute sur des durées de temps absolument incompatibles avec l'efficacité de la photographie, ensuite avec la photogravure de la diffusion, bien sûr, de l'image photographique par des publications à des publics dont j'ai dit déjà qu'il s'étoffait considérablement à cette période. Deuxième thème que j'ai retenu, qui me semblait particulièrement intéressant, c'est l'apport du concept d'économie visuelle par Stefan Bann, puisque il nous montre que, contrairement aux représentations qu'on peut véhiculer trop aisément, ces questions de succession finalement d'un média par un autre ne se font pas, bien évidemment, d'une façon brutale. On n'est pas dans des termes finalement de rupture, même s'il peut y avoir des conflits, comme on vient de le dire. On n'est pas dans une problématique de la rupture, mais au contraire, Stefan Bann met en lumière qu'il y a une véritable hybridation et un niveau qui est tout à fait intéressant, puisque c'est le niveau des codes même de la représentation des œuvres. C'est-à-dire qu'on va photographier des gravures et ensuite on va, par exemple, graver à partir de photographies et diffuser ces images. Je suis en retard. Donc là, par exemple, on a un exemple. Donc toute la question de la représentation de l'ombre, des lumières, etc. Il y a au fil de, pendant une vingtaine d'années, une espèce de d'hybridation et de compromis de codes qui peu à peu évoluent entre représentation des œuvres par la gravure et représentation par la photographie. Troisième thématique, plutôt événement historiographique important, c'est bien sûr la série de colloques initiés par le Courtauld Institute et le Kunsthistorisch in Florence. Une maîtrise de la langue qui est bien connue, qui a donné lieu déjà à des publications de deux actes de colloques et qui, d'une part, nous aide à répertorier là beaucoup plus systématiquement toutes les photothèques qui ont été créées à la fin du 19e au début du 20e siècle, mais aussi j'en ai retiré deux aspects, j'irai très brièvement parce que je crois que j'ai déjà eu l'occasion d'en parler. C'est que d'une part, il y a, et c'est nouveau, une approche, et c'est confronté à la numérisation, bien évidemment, hein, puisque ces photothèques, on se pose directement la question de les numériser. Donc il y a une nouvelle approche de ces archives photographiques qui ont accompagné, donc, comme on l'a vu, l'essor de toutes sortes de pratiques dans la discipline. Et donc l'archive est désormais abordée comme ce que j'appelle de mieux un fait social complexe, c'est-à-dire que on ne va pas en numérisant simplement faire une image numérique à partir de l'image qui se trouve sur ces tirages qui sont classés dans les photothèques, mais on va essayer de comprendre la logique du fait archivistique lui-même et lui donner une signification historique. C'est-à-dire qu'on va comprendre comment, peu à peu, les professionnels et les utilisateurs de ces photothèques ont inventé, composé une sorte d'ordre de classement, d'indexation qui n'est pas encore véritablement et rigoureusement normé. Donc ça, c'est un aspect, me semble-t-il, tout à fait important. Ensuite aussi, ce qui a retenu mon attention, c'est le fait que ces objets, ces images, ces tirages photographiques sont considérés à travers aussi les traces que l'on peut y déceler à partir de toutes sortes d'annotations et qui vont permettre, en tout cas, ces l'approche qui est développée, tout à fait intéressante, une approche cognitive finalement, qui vont tenter de traquer, hein, de trouver à travers ces annotations la façon dont ces images sont regardées par les connaisseurs. En l'occurrence, il s'agit d'images et d'une photothèque de la Villa Itati de Bernard Berenson. On va essayer de traquer la façon dont il regarde ces images et dont le processus de connaissance et en l'occurrence d'attribution va fonctionner. Donc on va essayer de restituer ça. Ce qui, à mon avis, est tout à fait intéressant parce que il y a, par rapport à la première période historiographique, on voit bien qu'il y a là maintenant un enrichissement, si on peut dire les choses comme ça, des approches pour considérer cette période du 19e siècle et ce dont elle a été porteuse dans toutes sortes d'aspects de la discipline. Alors, venons-en à l'essentiel. J'ai un petit peu débordé. On va faire ça très vite. Est-ce que ça nous apporte quelque chose, tout ça? De toute façon, c'est la question que je vous pose, bien évidemment. Ah, là, il y a un problème. Enfin bon, missing vidéo, je vous dirai de quoi il s'agit. On n'a pas le temps. Donc, ce que ça nous apporte, très rapidement, pour la connaissance de l'histoire de l'art, bien évidemment, dans son rapport à la technologie, on mesure mieux ce que peut être un temps, une durée d'acculturation, disons, les choses comme ça. On voit mieux aussi, par exemple, que des singularités nationales, hein, on pourrait dire, différences entre des pays, comme j'ai pris l'extrême, bien évidemment, l'histoire de l'art allemande, germanique, pardon, plus large. Surtout avant la fin de la Seconde Guerre mondiale, bien sûr, et l'histoire de l'art en France. Et ces différences restent marquées. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit bien que les historiens de l'art allemands s'intéressent énormément à ces questions d'image et de transformation d'image. Ici, on continue de ne trouver aucune trace dans toutes les initiatives, les dernières initiatives historiographiques impulsées par les plus hauts représentants de la discipline dans notre pays, il n'y a pas d'article consacré à ces questions. Il y a eu plusieurs ouvrages collectifs depuis les années 96 jusqu'à aujourd'hui, dont un assez récent sur l'histoire de l'art en France, par exemple, et pour il y a à chaque fois on fait appel et de façon très, pour une portion très congrue de l'ouvrage collectif, à des historiens de l'art étrangers. Et, j'aime pas dire ça. Ce mot, c'est difficile. Donc, à des spécialistes qui ne sont pas français, puisque personne ne s'intéresse vraiment à ces questions encore aujourd'hui. Donc, on a aussi entrevu très rapidement que l'étude de ce passé et de l'historiographie de ces périodes passées peut nous apporter des concepts ou des cadres de réflexion qui peuvent nous aider. Par exemple, à travers l'évocation de l'économie visuelle de Stephen Bann, on peut traduire d'une certaine façon cette approche en termes de ce qu'on appelle aujourd'hui la remédiation, hein, c'est-à-dire le fait de continuer à inscrire des formes anciennes dans des supports ou des cadres neufs. J'ai fait aussi, mais là je vous reporte aussi à des choses écrites ailleurs parce qu'on n'a vraiment pas le temps. J'ai trouvé que certaines approches, notamment de Pascal Griner sur l'histoire de l'art et son instrumentarium au XVIIIe siècle était tout à fait précieux dans la mesure où il essaye d'embrasser les aspects matériels, techniques donc, mais aussi immatériels, à savoir mentaux, intellectuels, cognitifs, qui font le rapport des historiens de l'art aux images de reproduction, mais aussi qui inscrivent l'usage de ces images de reproduction dans des espaces avec lesquels il y a des interactions, à savoir l'espace des salons, le fait d'aller fréquenter les œuvres par le grand tour, etc., etc. C'est-à-dire la tentative d'une approche, on pourrait dire, systémique d'une certaine façon, qui à mon avis peut nous être tout à fait utile aussi pour approcher de façon plus globale les dispositifs dans lesquels nous sommes à l'ère du numérique. J'ai aussi, je vous renvoie à quelques fils que j'ai pu tirer aussi à partir de ces études sur le passé et l'historiographie. du côté de la confrontation des images produites à des époques passées sur des médias, avec des médias différents, et la façon dont on pratique les images dans les dispositifs numérique. Donc je ne vais pas revenir là-dessus. Il m'avait semblé, lorsque j'avais un petit peu travaillé là-dessus, que si, dès lors qu'on prend une plus grande profondeur de champ en ne se contenant pas seulement au tournant photographique pour le comparer avec le tournant numérique, on a plutôt l'impression finalement que le photographique, au regard des productions imagées antérieures, finalement a peut-être figé les représentations et le rapport texte-image par une standardisation peut-être plus importante que la façon dont, dans des recueils plus anciens, je pense au recueil de Montfaucon ou de Séroux, qu'il y a une plus grande liberté, entre guillemets, directement issue de la liberté qu'on a à associer des objets, des figures, partiellement ou dans leur entier, avec le dessin, hein, grâce au dessin, et que la gravure aussi s'est directement inspirée de ces possibilités qui ont une puissance de démonstration et une puissance didactique aussi très très forte par le fait de composer sur des planches, de rassembler toutes sortes de figures sur des mêmes planches. Et là, c'est pas pour dire que le numérique c'est pareil que la façon de graver ou dans les recueils du XVIIe siècle, bien évidemment, hein, ça n'est pas mon propos, mais en tout cas, on peut penser qu'avec les possibilités du montage numérique, on retrouve finalement une liberté que peut-être le photographique, l'ère du régime photographique, nous a un petit peu raboté. Alors, j'ai choisi donc, au-delà de toutes ces questions dont je viens de dire que je ne les aborderai pas, j'ai choisi de privilégier deux questions. C'est pas grave. Alors, peut-être la deuxième, on fera pas. Celle-ci me tient un petit peu à cœur. On va essayer. C'est que, à travers ce travail, ce qui m'a semblé, c'est que on avait peut-être les moyens d'interroger autrement la relation œuvre, document, image, et peut-être les moyens de formuler différemment qu'habituellement qu'il y a des paradoxes, tout à l'heure j'en ai parlé déjà, mais peut-être des problèmes de l'histoire de l'art avec ce qu'on pourrait appeler, vous verrez ce que je mets dedans, la double nature de l'image, c'est-à-dire la nature proprement documentaire, hein, représentation ou reproduction de l'œuvre, et même s'il s'agit d'une reproduction d'une œuvre, une image est une image, avec ses pouvoirs propres d'image. Donc d'abord, je voudrais rappeler, par cette citation qui fait partie du premier corpus que j'ai indiqué, que, en pleine pulsion, décidément, positiviste, scientiste, hein, du rapport entre l'établissement de la discipline, reconnaissance de la discipline et la scientificité apportée au photographique, il y a tout de même quelque chose qui s'exprime face à l'image, et où il y a donc l'image, c'est la science, mais l'image aussi c'est la magie, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs déclarations d'historien de l'art du moment, qui expriment leur fascination. Alors, donc cette fascination donne lieu aussi bien à engouement, séduction bien sûr, mais également défiance. Et ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a absolument concomitance de ces deux dimensions du rapport à l'image d'art, dans le contexte donc le plus scientifique qui soit. En deuxième lieu, de façon prosaïque, j'aimerais très rapidement montrer que pour ce qui est du rapport à l'image document, là je m'appuie presque exclusivement sur mon expérience dans cette grande collégialité d'historiens de l'art que j'ai eu le privilège de fréquenter. Ce qui m'a frappé beaucoup, c'est que l'image, bien évidemment, reste le support de tous les cours, mais c'est le support essentiel, toujours, dès qu'on allègue la méthodologie de l'histoire de l'art, c'est l'image. Mais quand on voit qu'il n'y a aucune exigence d'aucune sorte de qualité par rapport aux images dont on va se servir dans les cours et même parfois dans les conférences publiques en dehors de la salle de cours, c'est quelque chose de très confondant. Et ça pose véritablement une question. On projette des images, c'est le support méthodologique essentiel. Il n'y a aucune exigence, ni formulée, ni effective, dans ce qui est montré comme image, d'une quelconque attention, donc importance donnée à la qualité de l'image. Ça m'a toujours beaucoup frappé. Et bien évidemment, on montre l'exemple, on montre le mauvais exemple, on ne demande jamais aux étudiants de faire attention à la qualité de l'image. Je ne vais pas gloser sur les transparents catastrophiques que j'ai vus projetés par les étudiants en support de leurs exposés, mais c'est quelque chose d'à peine imaginable. Et alors, ce qui est troublant également, c'est que, dans le même temps, il y a beaucoup de critiques à l'endroit des belles images. Les belles images, c'est quoi ? Les belles images, c'est les images qu'il y a dans les beaux livres d'art. Ces belles images, elles sont séduisantes, elles sont trop belles. Je note quand même que c'est à partir de ces images qu'on va faire les fameux calques dégoûtants. Donc, tout cela est quand même très troublant. La belle image, c'est pour le public non savant. Le savant fait sa photothèque personnelle avec des images qui ne sont pas dignes de ce... Non, mais franchement, je vous assure que c'est vrai. Je ne sais pas si vous avez été... Ben oui, témoin. Bon, c'est... Je pensais que tous les historiens ici. Non, mais c'est vraiment pas du dénigrement. C'est quelque chose qui me semble... Ça fait rire, comme ça. Mais c'est quand même intéressant. On se demande de quoi est-il question. Alors, il y a aussi, dans ce registre, la persistance du noir et blanc, jusque encore même pour certains aujourd'hui, parce que justement, on ne fait pas confiance à la couleur, et surtout, on ne sait pas la photographier. Bref. Ce qui est intéressant également, c'est qu'en revanche, à l'égard de l'image numérique, alors là, il y a une demande exorbitante de fidélité et qui fait partie des rationalisations pour ne pas l'utiliser, bien évidemment. Parce que, pour d'autres raisons, mais là, l'image numérique, elle doit être absolument fidèle. Ce que, malheureusement, on pourrait dire que, littéralement, c'est la plus fidèle, puisque par chacun de ces points, elle peut être paramétrée. Mais bien évidemment, là, ça voudrait dire apprendre ce qu'est une image numérique et la traiter, c'est-à-dire comprendre qu'une image numérique est forcément une image qui est en instance de traitement. C'est une image active. Donc, cette relation à l'image, qui est le support scientifique entre tous, est extrêmement troublante. Ensuite, quand je dis qu'il y a des pratiques incertaines de l'image document, il y a aussi un autre aspect, bien évidemment, c'est l'aspect que j'ai appelé la boîte à chaussures. C'est-à-dire les boîtes dans lesquelles les historiens de l'art ont très longtemps, toujours encore, classé, rangé, classé, je ne sais pas comment, quel premier terme, justement, leurs images, leurs diapositives. Donc, bien évidemment, ces entrepôts, ces archives, maintenant ce sont des archives, n'ont jamais été conçus pour être partagées, hein, pour être comprises, dont la logique devait être comprise par quelqu'un d'autre que celui, bien sûr, à qui elle appartient. Le problème rencontré à l'endroit de l'image numérique, bien sûr, c'est que l'image numérique s'inscrit d'emblée dans une chaîne documentaire. Dans une chaîne documentaire qui est informée, documentée justement. C'est-à-dire que même sortant de l'appareil photo, il y a des champs d'information déjà qui sont remplis et qui permettent d'identifier certains paramètres de l'image en question, mais bien évidemment aussi dès lors que l'on va abandonner la boîte à chaussures pour prendre les images numériques, les images documents, donc hein, considérées vraiment seulement du point de vue du document, va se poser automatiquement le problème de la classification et de l'indexation pour quelque chose, pour une archive qui n'a pas de sens si elle n'est pas partageable. Elle l'est malgré la volonté quasiment de celui qui veut la maintenir comme uniquement personnelle, dans la mesure où il y a de plus en plus de fluidité et de communication sur le net entre, bien sûr, des plateformes d'images, des bases d'images d'institutions, les bases d'images de l'ordinateur personnel, etc., etc., vous connaissez. Donc, on voit que par rapport au regard du numérique, par rapport aux pratiques passées, et par rapport donc à l'image document, considérée uniquement sous l'angle de l'image document, il y a un problème d'ordre technique, de compétences techniques, et d'approche de la technique, et il y a aussi un problème qui est plus de l'ordre de la technique documentaire. Ce qui fait que ce qui s'est mis en place déjà sous le régime photographique, qui n'était pas le cas auparavant, hein, dans l'ancien régime, dans tous les sens du terme, il y a une distinction de plus en plus importante entre les pratiques de l'image par les collectifs, disons les institutions, et les pratiques individuelles qui sont le substrat même de la production, disons, de la recherche, hein, et de l'enseignement, hein, en histoire de l'art, qui est une production essentiellement individuelle, finalement. Donc, les pratiques d'image se sont déjà distinguées beaucoup avec la photographie. On pense, par exemple, qu'au XVIIIe siècle, pour réaliser le recueil Crozat, le comte de Caylus manie la presse, hein, auprès des graveurs. Alors c'est une petite société aristocratique, mais ce que je veux dire, c'est qu'avec le photographique et avec le numérique, il y a changements très importants sur la façon dont les organisations collectives et les individus vont être amenés à avoir des pratiques distinctes ou, avec le numérique, justement, de nouveau reconverger d'une façon différente dans leur pratique, dans le partage et dans l'exploitation de l'image dans la discipline. Ce qui me amène à penser que cette difficulté à affronter, on pourrait dire, la question de l'image comme document, mais aussi de l'image comme puissance autonome, on pourrait dire, avec ses pouvoirs autonomes, va donner lieu à ce que je pourrais appeler la hantise de la substitution. Et je pense qu'on la voit à l'œuvre, notamment, donc là je rappelle cet enthousiasme de Hermann Grimm, qui face à une image projetée, écrié, on a la sensation d'être face à l'œuvre même. Donc cette question du pouvoir de l'image en tant que telle, hein, et de sa liaison avec la question de la substitution n'est pas une chose nouvelle. Mais elle refait surface avec une grande virulence, on pourrait dire, au moment du passage au numérique. Et comme par hasard, les références essentielles qui vont prendre cette fonction, mais de façon, à mon avis, alibi, pour certaines, les références essentielles vont être deux textes. Deux textes des années... Alors, celui-ci que tout le monde connaît, de Walter Benjamin, qui est quand même, faut-il le rappeler, un texte qui est essentiellement un texte théorie de l'art. On peut le caractériser aussi comme un texte sur l'esthétique de la réception, sur la mutation de la culture dans la modernité, un texte aussi de politique de l'art dans le politique, mais c'est le texte, le seul texte, souvent, qui apparaît comme, je le disais, une sorte d'alibi. Alors, en même temps, par ce qu'il contient dans l'histoire de l'art, donc, par ce qu'il contient, que je viens de dénoncer le plus rapidement qui soit, on retrouve cette porosité qui s'est maintenue tout le temps, hein, de l'histoire de l'art, avec l'esthétique, avec la théorie de l'art. Mais je pense qu'il y a une autre dimension là-dedans, dans ce recours systématique, c'est que l'on pense qu'on a réglé la question du rapport à la technique grâce au travail de ce texte. Or, ce n'est pas exactement le cas, me semble-t-il, puisque, pas seulement puisque, mais en outre, je dirais, ce texte entraîne des malentendus. C'est-à-dire qu'il est compris, c'est un texte difficile, bien sûr, mais il est compris de façon souvent univoque, à savoir comme renforçant le fait que, et les étudiants me l'ont souvent dit, bon ben vous voyez bien, madame, que quand même il faut être devant l'œuvre et pas devant les images, pas devant les reproductions. C'est pas bien la reproduction, c'est l'œuvre qui compte. Donc c'est le message qui est entendu à travers ce texte et le seul texte auquel il est fait recours par les historiens de l'art qui ne pratiquent pas forcément et ne se mêlent pas de technique. Autre texte recours entre tous, c'est le musée imaginaire. Alors là encore, le musée imaginaire, d'une certaine façon, nous apporte plus en rapport, en résonance même avec des débats antérieure dans l'historiographie, à savoir une attention réelle de Malraux à l'impact des formats, hein, bon, malgré toute la facture éminemment mystique de ce texte. Mais en tout cas, il s'intéresse au format des images. Alors, pas dans le sens qui a été discuté à la fin du XIXe siècle, mais pour faire une opération d'extension des corpus extraordinaires, c'est-à-dire d'une part déconstruire la hiérarchie des arts grâce à l'image, la hiérarchie des arts prégnante entre les différentes formes d'art, mais aussi pour introduire grâce à la photographie pour introduire les arts occidentaux dans le corpus artistique. Donc il y a là un apport extra-occidentaux. J'ai dit quoi ? Occidentaux. Mais c'est extra. Pas grave, tout le monde a compris. Merci. Extra-occidentaux dans le corpus de l'histoire de l'art et du musée. Mais le malentendu quand même serait introduit. Malgré donc ces apports intéressants, par le fait que le musée imaginaire est remis sur la sellette par l'association avec ce terme extraordinaire du musée virtuel. Et avec la terminologie du musée virtuel, contre lequel j'ai lutté depuis très longtemps, parce que, d'une certaine façon, elle peut être entendue effectivement comme la transposition numérique terme à terme de la conception de Malraux, mais en même temps, bien évidemment, elle introduit un flou toujours sur la sacro-sainte question de la substitution. Dans l'idée de musée virtuel, bien évidemment, il y a aussi la question de la substitution qui domine. Alors, je voulais plaider, si je... Oui, non, je voulais simplement remarquer que, à cause de l'extrême focalisation sur ces deux pauvres textes, parce que ça fait quand même pas beaucoup, du coup, est resté totalement, et reste encore totalement marginalisé, ce texte d'Erwin Panofsky, qui traite absolument des moyens d'étude pour l'histoire de l'art, au sujet de la reproduction des œuvres. En 1930, il fait partie d'un débat en cours après une exposition à Hanovre de copies d'œuvres, et il se lance dans le débat et il dit la question du tout n'est pas du tout la question de la substitution, mais la question c'est simplement qu'il y a des techniques successives de reproduction et qu'avec la photographie on peut avoir un moyen formidable qui va jusqu'au facsimilé, justement, et que la question est simplement de connaître les propriétés et les limites à chaque fois du support de reproduction et de l'image produite. Donc, à mon avis, il est beaucoup plus en phase avec une partie essentielle du sujet pour les historiens de l'art, mais ce texte est quasiment oublié. Alors là, je voulais plaider pour les séductions de l'image. Alors là, c'est très triste parce que... Alors, si vous vous rendez sur le site de l'Observatoire Critique, comme ça, j'en profite pour faire un petit peu de promotion. Tu veux qu'on essaye maintenant ? Mon pauvre Pierre. Si des fois... Enfin bon... Si d'aventure vous regardez Comment les vœux. Le discours, donc maintenant, tu peux. Je continue. Faire le discours après ou en simultanéité, tu le fais avant et. Et comme ça, on passe à autre chose dès qu'on l'a vu. Si pendant que je fais l'install, tu peux commencer à en parler. Oui, bien sûr. Alors donc. Bah oui, mais là, c'était parlant par l'image, justement. Je vais y arriver. C'est sur la vidéo de l'Observatoire. Ouais. Je suis trop longue. C'est ça que tu me dis ? Non, non, c'est pas ça. Non, c'est l'autre pierre. C'est l'autre pierre. Ah, pardon. Celle des vœux était en lien dans l'annonce du séminaire. Pardon ? Elle était en lien dans l'annonce du séminaire. Sur philologie ? Donc, il s'agit. Cette vidéo, pour moi, plaide, plutôt pas plaide, enfin plaide, disons plaide. Un petit peu de provocation, quand même, aussi, fait du bien. Montre parfaitement où l'on en est aujourd'hui de la puissance de l'image. Il s'agit d'une petite démo d'un dispositif qui est en train d'être mis en place par le musée Museum of Art de Cleveland, où d'ailleurs ça s'appelle Gallery One. Vas-y. Ben voilà. Et où la question. Alors, quelle que soit la Libye didactique, comment on appelle ça, de médiation en direction des publics, ces images, me semble-t-il, ou du moins ce dispositif, ce rapport aux images qui est montré là, parle de toute la sensualité de l'image, de la force des images, surtout avec la question justement des formats, mais aussi avec la question de l'implication de la dimension haptique, on dit, c'est ça ? C'est-à-dire que l'œil et le sens, le toucher, sont totalement engagés dans le rapport avec ces images. Et qu'elles soient des images d'œuvres, à mon sens, ne changent absolument rien à l'affaire. On établit un rapport esthétique propre, en l'occurrence, avec ce type d'image. Ça a l'air évident, mais c'est un peu... comment on appelle ça ? Iconoclaste, justement, de dire ça. Alors... c'est un peu marrant. Non, vas-y. Alors, dans un... ça, c'était le thème, premier thème que j'avais choisi. Deuxième thème, rapidement, que j'ai choisi de traiter, c'est la redistribution des cartes au sens où, avec la digital art history, si on peut appeler ça comme ça, il y a une redistribution, un brouillage, justement, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, donc des convergences nouvelles établies entre les différents acteurs du monde de l'histoire de l'art qui, avec leur logique propre, produisent, distribuent, utilisent les images des œuvres. Ce que je veux dire par rapport au trajet antérieur, historiographique et en étudiant les images du passé, c'est que bien évidemment étudier le passé nous permet de situer les évolutions justement des composantes de ce monde de l'art, et c'est au regard de cette histoire que nous apparaît encore plus vivement la façon dont les recompositions ont lieu. On va les voir rapidement. Simplement dans le domaine de la publication savante, par exemple, je l'appelle toujours maintenant la publication scientifique mutante, puisque on assiste à des dynamiques d'abord de mise en évidence, ce qui n'était pas le cas dans un contexte public indéterminé, hein, comme l'est le web, de la production scientifique de l'autre histoire de l'art, puisque tout le monde sait qu'il y a deux histoires de l'art, en tout cas, la production scientifique des musées, grâce au contexte, à l'environnement numérique, prend une visibilité et surtout une dynamique hein, qu'elle n'avait pas depuis un certain nombre d'années, sauf à produire des catalogues. Et donc, dernière en date de cette activité très dynamique, vous irez regarder cette dernière publication formidable qui est le fruit de toutes sortes de partenariats, mais à partir des services de conservation, restauration, musée et organisation du patrimoine belge. qui nous donne accès à ce retable de Van Eyck qui se trouve dans la ville de Gand et qu'on peut étudier sous toutes ses coutures, donc puisque on dispose de toutes sortes d'outils de zoom, de comparaison, etc. Et on a accès à tous les clichés de tout type de radiographie qui ont été utilisés pour la conservation, l'étude, la conservation et la restauration de ce fameux retable. On a aussi, bien évidemment, et j'en ai parlé souvent déjà, des dynamiques de transformation justement des publications scientifiques. On a vu notamment avec le Cranach Digital Archive qu'on assiste à une véritable reformulation de la publication scientifique entre toutes de l'histoire de l'art, à savoir le catalogue raisonné. On a là une reformulation du catalogue raisonné dans la mesure où il y a coopération entre plusieurs musées qui ont les œuvres et les documents sur les œuvres, d'une part, de Cranach l'Ancien. Deuxièmement, on a coopération entre scientifiques des musées, mais aussi universitaires, et sans limite géographique. On est véritablement là dans un environnement internationalisé. Et fait intéressant également, c'est que on est face à une production éditée ouverte, c'est-à-dire elle est d'emblée non finie, ce qui pour un catalogue raisonné touche au paradoxe pour le moins, et par ailleurs il y a un système ouvert de coopération pour ceux qui le souhaitent, qui vont apporter des documents, des connaissances, des informations qui vont permettre de compléter des aspects aussi bien d'attribution d'un certain nombre d'œuvres importantes qui restent objet de débats d'attribution, mais aussi d'informer plus complètement les documents qui sont déjà rassemblés sur cette plateforme. Alors, deuxième aspect des bouleversements. Puis on va terminer parce que franchement, je vous trouve bien courageux. C'est la dimension de redistribution des cartes, je dirais, au plan d'une démocratisation. Voilà, hein, de la démocratisation entre les savants, les amateurs, les curieux et tous ceux qui n'ont pas de nom. Il ne s'agit pas, bien évidemment, de prétendre que les amateurs sont les amateurs tels qu'on les a définis au XVIIe et XVIIIe siècle, bien évidemment. Mais on a conscience, de façon encore plus aiguë, je dirais, du type de démocratisation qui est à l'œuvre pour faire converger à nouveau, de façon moins exclusive, moins hiérarchique, on pourrait dire, les apports en termes de connaissances de ces différents acteurs du monde de l'histoire de l'art. Bien évidemment, l'étape du régime photographique a déjà marqué un temps très important, très décisif, dans ce mouvement de démocratisation, précisément, hein, au regard des pratiques aristocratiques précédentes et du fait que dans quel monde circulaient finalement ces reproductions, représentations, etc. Et d'ailleurs, si Wölfflin énonce des consignes aussi drastiques sur la façon dont il convient de photographier les sculptures, c'est pas seulement parce qu'il a il énonce à travers ce regard photographique une vision de l'art, hein, des anciens en l'occurrence, mais c'est aussi parce que n'importe qui peut photographier les œuvres d'art. Hein, et c'est quelque chose qui pour lui est éminemment dangereux, hein, par rapport la diffusion, si l'on peut dire, de la discipline, mais qui n'est pas pensée justement en termes de diffusion comme on pourrait le penser aujourd'hui. Donc avec le numérique, bien évidemment, il y a une irruption certaine de toutes sortes d'acteurs et d'amateurs qui brouillent les frontières entre la science et le public, tel qu'on l'a formulé jusqu'alors. Alors on a très souvent évoqué ces questions à travers les activités sur les médias sociaux, sur les réseaux sociaux aussi, dans lesquels se sont impliqués de plus en plus les musées. Je n'ai pas choisi de revenir là-dessus, ça aussi on trouve pas mal de choses sur ces questions. Je voudrais insister simplement sur le fait que cette convergence ou cette redistribution des cartes se joue aussi beaucoup à travers la maîtrise d'outils qui ne sont plus l'apanage simplement de collectivités, mais qui sont tout aussi bien manipulés par des individus. Et le zoom me semble particulier. Ah ! Ah, le zoom, c'est le contraire du zoom. Ben, j'ai pas fait, il manque un écran. On peut rapprocher ? Bref, vous voyez qu'on zoom, on a zoomé au maximum là sur deux œuvres qui sont très accessibles et que j'ai pu redécouper et grossir en détail comme je l'ai voulu à partir d'une œuvre sur Google Art Project. Bien sûr, les œuvres sont assez bien forte résolution. Mais aussi sur la National Gallery de Londres. J'ai toujours aimé montrer cette œuvre avec ce détail grossi de ce qu'on voit ou ne voit pas dans le miroir du fond, puisque ce fut l'objet de débats parmi les historiens de l'art. Donc, je vais conclure. Il est plus que temps, parce que j'aurais aimé qu'on discute quand même un petit peu. D'accord, on ira prendre un pot après pour discuter. Oui, voilà, d'accord. D'accord. Donc, je ne vais pas revenir sur ce qui me paraît être, je ne sais pas si j'ai réussi à le transmettre, en tout cas, pour moi, il est évident que ce type de démarche apporte des choses pour aborder le tournant numérique du point de vue de cette discipline particulière qu'est l'histoire de l'art. Alors, la question bien évidemment plus importante, sans doute, ici, dans ce cadre, et puis parce que je pense que les Digital Humanities ont un fort potentiel trans ou interdisciplinaire. Donc la question importante, me semble-t-il, c'est bien sûr de voir dans quelle mesure ce type de démarche historique, historiographique, épistémologique, du moins posant des questions dans la dimension épistémologique, peut être d'un apport quelconque pour notre travail en direction des Digital Humanities. Alors, je dirais que pour les sciences humaines, littéraires, etc., je ne sais plus, les humanités, oui, pardon, les sciences humaines, sociales, les humanités, qui utilisent les images, et elles sont nombreuses, il me semble que on doit effectivement ensemble interroger les techniques et les regards instrumentés par ces techniques qui ont permis de représenter historiquement, successivement, les objets et d'interroger justement la façon dont on peut établir des relations entre ces regards instrumentés, on pourrait dire, ces techniques et la fabrique justement du regard. Et ça, c'est quelque chose, me semble-t-il, qui peut être partagé par plusieurs disciplines dans notre approche des digital humanities. On sait bien que à chaque fois que, pour l'histoire de l'art en tout cas, s'est posée la question de l'instrumentation, l'instrumentation technique qui a permis de représenter autrement les œuvres. Je pense particulièrement au XVIIe siècle, lorsqu'on invente à la fois le microscope et qu'on a aussi des visions donc macroscopiques, on a quelques premières images et que cette façon de pouvoir grossir des objets puis ensuite les représenter grossis est quelque chose qui bien sûr a un intérêt au-delà simplement de l'histoire de l'art, je l'imagine aisément. Pour la photographie, bien sûr, et ça, toute la question de l'objectivité photographique est aussi quelque chose qu'on peut partager. Donc, je pense qu'il y a, je ne sais pas si tu te souviens, Pierre, c'est trop tard pour moi maintenant, mais en tout cas, on avait discuté de la possibilité qu'une année du séminaire porte précisément de façon transversale, transdisciplinaire, sur les questions de la visualisation. Et je pense qu'il y a une dimension historique, en tout cas, c'est ce qui me semble. Plus généralement, il me semble que les digital humanities, bien sûr, par définition, prennent leur essor à partir d'un passé, c'est évident, des corpus. D'abord, hein, bien évidemment, qui pour la plupart ont été produits par le passé et qui sont numérisés, mais aussi par la réflexivité sur leurs méthodes et notamment le rapport entre les méthodes et les outils. Et là, il me semble que, là encore, on ne peut pas faire l'économie de regard et d'analyse rétrospective. Et on ne peut pas se contenter, me semble-t-il, ou du moins ces analyses rétrospectives peuvent sans doute nous permettre d'aller au-delà. Je sais bien que dans d'autres textes, on est allé au-delà, mais ça me semblait être un bon exemple, nous permettrait donc d'aller au-delà de ce qu'a apporté déjà John Unsworth lorsqu'il a proposé ces scholarly primitives, étaient finalement des opérations de l'esprit scientifique, on pourrait dire cela comme ça, qui étaient communes à toutes les disciplines. J'aurais dû l'écrire, mais ça m'est venu plus tard. Qui sont discovering, annotating, comparing, referring, sampling, illustrating, representing. C'est-à-dire qu'il a énoncé des primitives, comme il l'a dit, qui sont des opérations élémentaires qui permettent que les disciplines puissent travailler ou du moins concevoir des approches de façon transverse. Mais je le répète, il me semble qu'on peut aller au-delà de ces primitives en apportant une profondeur de champ rétrospective plus ample pour aborder ce travail qui nous est commun. Et enfin, en dernier lieu, je pense qu'à travers ce type de démarche, on a le moyen, me semble-t-il, de peut-être nourrir plus avant, en tout cas pour l'histoire de l'art, j'ai eu cette impression, ce qu'est le contenu même de la pluridisciplinarité des digital humanities que l'on revendique. Je pensais notamment, avec toutes ces affaires d'archives photographiques, mais qui ne concernent pas bien sûr l'histoire de l'art, toutes sortes d'aspects, je suis fatiguée, excusez-moi, qui ne me reviennent pas comme ça à l'esprit, mais que, par exemple, le rapport avec les sciences de l'information et de la documentation et de la communication en tant que telles sont des questions qu'on ne peut pas éluder, me semble-t-il. la question de, des démarches d'anthropologie culturelle sont aussi quelque chose qu'on ne peut pas non plus éluder. Bref, il me semble qu'il faut mettre à plat ce que l'on entend par la trans, l'interdisciplinarité ou la pluridisciplinarité des digital humanities. Je vais arrêter là. Ah bon, merci. Non. Merci beaucoup, Corinne. Alors, je vais regarder si on a encore un peu de temps pour commencer la discussion ici. On peut commencer la discussion avec quelques questions, et pas trop longtemps, parce qu'on pourra la continuer de manière plus conviviale autour d'un verre pour ceux qui peuvent, voilà, ceux qui peuvent rester. Alors, est-ce que vous avez quelques remarques, questions Oui. Ouais, là c'est déjà mieux. On n'a pas parlé de... Ah, je joue un peu sur les mots, là, pour prendre du temps. Mais on n'a pas parlé de photographic art history quand on a parlé d'histoire de l'art et de son institutionnalisation. Donc, non, c'est un peu une boutade, mais... quand j'ai dit digital art history, je veux parler... D'une inscription dans le mouvement des digital humanities de l'histoire de l'art. Hein. Il ne s'agit pas de fonder une nouvelle discipline de l'histoire de l'art. Il s'agit que l'histoire de l'art, forcément, repositionne dans ce que moi j'entrevois comme un mouvement des digital humanities. Ce qui ne veut pas dire qu'il y a seulement une interdiscipline qui a grâce à mes yeux. Hein, qui serait justement cette interdiscipline informe ou composée de l'addition de toutes les autres. Mais il me semble que la question du tournant numérique pour l'histoire de l'art, mais on ne peut pas l'isoler totalement de ce qui se passe pour les autres disciplines, puisqu'il y a des dimensions, je crois que j'en ai un peu parlé, pas assez, qui concernent toutes les autres disciplines. On ne peut pas faire l'économie de cette remise à jour, puisque ce n'est pas la discipline qui est changée, c'est plutôt, comme je l'ai dit, par exemple, les fonctions, par exemple, des différents pôles de production de la connaissance dans la société. C'est aussi les transformations de ce qu'on pourrait appeler, puisqu'on parle maintenant d'une partie des digital humanities, sont les public digital humanities, comme pour l'histoire par exemple, et pour l'histoire de l'art, ça se pose aussi de façon très évidente, hein. C'est-à-dire que ce sont certaines disciplines qui ont, en plus de la production dite savante, scientifique, qui ont une fonction dans la culture, hein, par la diffusion de façon très diverse, en fait, hein, avec des discours, des constructions très très diverses qui ont des fonctions importantes dans la culture même. Donc tout ça pour dire que ça, c'est des questions qui me semblent fondamentales aujourd'hui pour redéfinir ce que c'est que le scientifique aussi, et que donc ça serait un peu vain, me semble-t-il, de vouloir définir à tout prix une histoire de l'art numérique. C'est plutôt une histoire de l'art confrontée à sa position au sein des digital humanities. Et Digital Humanities, c'est pas une organisation, essentiellement. C'est un mouvement de pensée. Et chacun, effectivement, à partir de sa discipline, peut apporter quelque chose au mouvement de pensée collectif. Ça, c'est le schéma qu'on dit toujours idéal. Il y en a un qui apporte à tous et tous qui apportent à l'autre. J'espère que j'ai répondu un peu à votre... Parce qu'il y a quelqu'un qui essaie d'ouvrir la porte. Ah, il faut juste fermer la clé. Emmanuel, je laisse ouvert si jamais il y a quelqu'un. Emmanuel, merci beaucoup pour ça. Et Pierrot, c'est assez drôle, ça fait penser à une sorte de psychanalyse de l'histoire de l'art. Ça parle du truc dont il ne faut pas parler, c'est la question de finalement, la réintroduction de ce paradigme lié à la processus de documentation, en fait, provient pas réellement des historiens d'art, dans cette historique, mais plutôt de la numérisation, des processus de numérisation des collections, et donc finalement des archivistes, ou en tout cas des conservateurs, des gens qui ont cette culture de la documentation. Et finalement, il y a peut-être quelque chose à... Enfin, des passages entre ces deux communautés qui sont à l'œuvre. Et du coup, c'est intéressant d'essayer de, comme vous le proposiez, hein, mais vraiment creuser le rapport des historiens d'art à la documentation totale. Tout à fait. Et d'ailleurs, quand j'ai... Il y a deux choses pour te répondre, parce que quand j'ai évoqué ces colloques et ces publications liées donc à ces colloques organisés par le Courtauld et l'Institut allemand de Florence, ce qui est intéressant en l'occurrence, c'est qu'il y a un travail, bien sûr, commun entre des gens qui ont tous les acquis de la science de la documentation, hein, on peut l'appeler comme ça aussi, science de l'information, mais aussi de la documentation, et des archivistes, mais aussi des historiens de l'art. Et ce qui est très nouveau, qui m'a beaucoup frappé, c'est que pour la première fois, dans la bouche d'un historien de l'art, en l'occurrence, j'ai oublié son prénom, mais Madame Costanza, qui fait une introduction absolument merveilleuse à ses actes, elle fait intervenir la personnalité de Paul Hotlet. Dans la bouche d'un historien de l'art, effectivement, on se dit il y a quelque chose qui a changé. Hein, et c'est pour ça qu'on peut parler maintenant de perméabilité et des passerelles disciplinaires. Hein, c'est dans ce sens-là que je posais la question de quelle interdisciplinarité. Les questions de sciences d'information et de documentation sont, et de communication sont évidemment importantes. Et la deuxième chose que je voulais te répondre, Emmanuel, j'ai oublié ce que c'est. Une autre fois, dans une autre vie. Bon, est-ce qu'on continue autour d'un verre? On ne fait plus que boire. Voilà. C'est ma proposition. Donc, pour tous ceux qui souhaitent venir, on va aller au café juste à côté. En sortant, on passe directement à gauche. Il y a un café qui est un peu pub avec des grandes banquettes pour se mettre à plusieurs. Donc, tout le monde est convié à continuer la discussion avec Corinne. Merci beaucoup, Corinne, pour cette séance qui était absolument passionnante. Oui, je finis. Alors, attends, il ne faut pas que je me plante dans ce truc-là, justement.